But it's I am busy. Je suis occupé. Right. Je suis occupé. I am busy. I am not busy now. I am not. Je ne suis pas occupé maintenant. Right, once more. Je ne suis pas occupé. Yes, but don't break it up. If you break it up, then don't push. Then you will say, je ne suis pas occupé. Right. Or, je ne suis pas occupé. Right, je ne suis pas occupé maintenant. Mm-hmm. I am tired. I'm fatigued. Je suis fatigué. Right. Mm-hmm. Je suis fatigué. I'm not tired. Je ne suis pas fatigué. Pas moi? Je ne suis pas fatigué. I want to hear you clearly. Je ne suis pas fatigué. Right. Je ne suis pas fatigué. Mm-hmm. The word for ready, like in ready to eat or ready to wear, yes, is ready to wear is prêt à porter. Ready to eat is prêt à manger. So ready is prêt. Yes, P-R-E-T, with a roof accent over the E, prêt. So I am ready would be? Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Right. Yes. If you say I am ready, for feminine, you add an E to prêt and becomes I am ready. Je suis prête. Once more. Je suis prête. Yes, a little more clearly. Je suis prête. Right. Yes. So you will say prête. So, je suis prêt, masculine, je suis prête, feminine. Yeah. He is il est, il est. Is a, spelled E-S-T. Like c'est, it is, c'est. Ce n'est pas, it is not. But he is, il est. He is ready would be? Il est prêt. Il est prêt, yes. She is ready. Elle est prête. Right, elle est prête. Elle est prête. Right, elle est prête. Mm-hmm. What is to stay? To what? To stay. Rester. Rester. Rester. Mm-hmm. Rester.